bon lundi après-midi, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je prends quelques secondes pour excuser ma voix. J'ai eu une grosse fin de semaine d'animation du côté de l'Ontario, du côté de la piste de Mossport pour le championnat canadien de karting. Et puis, bien, comme vous pouvez l'entendre, en fait, ma voix est un petit peu enrhumée, disons-le comme ça. En fait, comme je le disais, une grosse fin de semaine d'animation, mais j'ai tellement eu de plaisir. On va pouvoir en discuter un petit peu plus tard dans l'émission. Je vais vous en parler parce que vraiment, on a eu des belles courses. C'était le fun de voir autant de pilotes de retour en piste. Alors, comme je vous le disais, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Mais pour commencer, je suis contente d'être de retour derrière le micro. Ça fait déjà une semaine. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission. Donc, je suis vraiment contente de prendre le temps de revenir comme ça derrière le micro, de vous dire à quel point je suis contente que vous soyez à l'écoute. On est ensemble de 16h à 17h et j'espère que, tout comme moi, vous allez avoir beaucoup de plaisir durant l'émission. Et comme à chaque semaine, à l'exception de la semaine dernière, bien évidemment, on va faire le retour sur les différentes courses du week-end. Et ça a quand même beaucoup bougé hein, dans le monde de la course automobile cette fin de semaine. C'est pas parce que la semaine dernière qu'il n'y a pas eu d'émission qu'il ne s'était rien passé. Par contre, il s'était passé beaucoup moins d'action que cette fin de semaine. Je dois vous le dire, vraiment beaucoup de choses qui se sont produites. Premièrement, eh bien, la Formule 1 était de retour en piste. On le sait, ils ont quand même eu un bon congé durant l'été. Mais la Formule 1 était du côté de la Belgique pour le Grand Prix de la Belgique. En troisième position, c'est Romain Grosjean. Deuxième position, on commence à être habitué à les voir ces deux-là sur le podium quand même. En deuxième position, eh bien, c'était l'équipe Mercedes avec Nico Rosberg et bien évidemment son acolyte, son coéquipier sur la première marche du podium, Lewis Hamilton. Et j'ai cru remarquer ce matin qu'il y a quand même certaines personnes sur les médias sociaux qui commencent à en avoir. Comment est-ce que je pourrais dire ça de façon assez, excusez-moi le langage, là, mais clever, qui commence quand même à en avoir assez de Lewis Hamilton et de son attitude. Tout simplement, j'ai cru voir quelques posts sur Facebook ce matin, d'ailleurs du côté de l'Europe, de certains journalistes qui disaient que Lewis Hamilton avait une attitude peut-être un petit peu trop arrogante envers les victoires qu'il a et un petit peu arrogante depuis quelques années, en fait, depuis qu'il est passé de la Formule à la Formule 1. Alors, pour certains, on a un petit peu de difficulté avec le vainqueur du Grand Prix de Belgique, Lewis Hamilton, mais il ne s'est pas juste passé des victoires. Mon Dieu! Il y a eu beaucoup de problèmes côté pneumatique. J'ai cru voir plusieurs articles sur le sujet, des vidéos aussi. Nico Rosberg lui-même a eu des problèmes en essai. Sébastien Vettel en course a eu des problèmes avec la pneumatique. Et du côté de Pirelli, par contre, à un certain point, on était quasiment dans l'eau chaude, à savoir si c'était notre faute, à savoir si les pneus avaient peut-être un manque quelconque. C'est quand même assez difficile, hein? Personnellement, je trouve que la Formule 1, c'est quand même le summum de la course automobile. On l'entend souvent, c'est l'élite de la course automobile. Par contre, un pneu reste un pneu. On ne peut pas vraiment demander à un pneu d'avoir des super pouvoirs, à savoir qu'il n'y aura pas de problème ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est un problème de Pirelli en tant que tel? Est-ce que c'est le nombre de tours qu'on garde les pneus versus la vitesse? Pirelli semble dire que en début de saison, on avait donné une réglementation, oui, une réglementation aux équipes. Par contre, elle a été refusée de la part de la Formule 1, à savoir à garder le nombre de tours, les pneus sur la voiture. C'est bien beau d'avoir une course d'une heure et demie. Par contre, c'est certain qu'on ne peut pas garder les pneus pendant autant de temps que ça. Est-ce que c'est le nombre de tours versus la vitesse? On le sait, le 3G dans les coins, lorsqu'on arrive dans un coin en Formule 1, il y a beaucoup, beaucoup de pression qui est mise sur les pneus. Est-ce qu'à ce moment-là, du côté de la Belgique, c'est ce qui s'est produit? Il n'y a pas eu seulement des problèmes en Formule 1, il y en a eu aussi en Formule 3 pendant la deuxième course. Alors, du côté de Pirelli, on avait de sérieuses interrogations à savoir qu'est-ce qu'est-ce qui s'est produit. J'espère que pour la Formule 1 et Pirelli, surtout, on va avoir des réponses très claires prochainement parce que est-ce que ça va se produire dans d'autres Grands Prix? On n'avait pas vu ça depuis le début de la saison. C'est certain qu'une crevaison, ça peut arriver n'importe quand en course. Par contre, plusieurs crevaisons comme ça et plusieurs problèmes de pneumatiques comme ça au courant d'une seule fin de semaine, bien, c'est beaucoup à prendre sur les épaules pour ce qui est de l'équipe de Pirelli, mais comme je l'ai dit, j'espère qu'on va avoir des réponses très claires prochainement, que ce soit sur les sites Internet spécialisés en course automobile ou bien que ce soit tout simplement Pirelli qui va faire un communiqué. J'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Belgique. Du côté de NASCAR, eh bien, il y avait le Xfinity Food City 300 du côté de Bristol. En troisième position, c'était Denny Hamlin. En deuxième position, Kyle Larson. Et on commence lui aussi à être habitué de le voir sur les podiums, parce qu'en première position, eh bien, c'était le 18 de Kyle Busch. Et d'après moi, il a de bonnes chances, sérieusement, de gagner un des deux championnats, que ce soit en Xfinity ou bien en sprint, parce que Kyle Busch continue d'accumuler les victoires de façon assez impressionnante. Et du côté de la Sprint Cup, eh bien, c'était le Irwin Tools Knight. Encore une fois, du côté de Bristol, on le sait, les deux séries se suivent pas mal souvent, hein, la plupart du temps. La Xfinity va courser le samedi, tandis que le sprint, ça va se passer le dimanche après-midi. En troisième position, eh bien, une deuxième fois sur le podium, c'était Denny Hamlin. En deuxième position, c'est Kevin Harvick. Et en première position, le jeune Joey Logano. Et d'après moi, il commence à en surprendre plus d'un. C'est lui qui avait gagné du côté de Daytona il y a quelques temps. Et il continue, lui aussi, à accumuler les victoires. C'est à savoir comment est-ce que la saison va se terminer du côté de la Sprint et de la Xfinity. Beaucoup de batailles au championnat, beaucoup de batailles course après course. Alors, ça va être très intéressant de voir qui va terminer en tête du championnat. Et sans plus attendre, eh bien, on va aller faire une courte pause musicale parce que par la suite, on va parler 25 ans du magazine québécois Pôle Position. Alors, on se voit tout de suite après. On va aller écouter Sun Turns Cold de Gazo et Chase Rice. Honey, I was scared sometimes. The weight of the world spinning round my mind. And so I ran away from you. I did a lot of things I said I wouldn't do. Sorry, didn't help you through. Day after day I was away from you. But there must be a way to prove. I wanna come home if you want me to. It's like I never. And I never had fear. I've never seen the future look so clear. I'll be by your side till we both grow old. I wanna be yours till the sun turns. Till the sun turns. I know you put your faith in me, but nothing at the time could make me see. And give me just a chance to try. We can still work with me by your side. Cause I wanna live a life while we're still young. Life's too short to be on the run. There must be a way to prove. I wanna come home if you want me to. It's like I never had doubts and I never had fear. I've never seen the future look so clear. I'll be by your side till we both grow old. I wanna be yours till the sun turns. Sometimes Ça met un petit peu de soleil dans cette journée grisonnante. Merci à Gazo et Chase Rice d'avoir fait cette belle chanson qui s'appelle Sun Turns Cold, comme je le disais. Et puis, comme je le disais un petit peu tout juste avant la pause musicale, on va parler 25 ans de Pole Position. Depuis 25 ans, le magazine est une vraie bible, un incontournable pour les amateurs de course automobile au Québec. Ça fait 25 ans que l'équipe de Philippe Brasseur travaille très fort pour garder à l'affût tous les Québécois sur les différentes sphères que connaît la course automobile, comme je le disais, au Québec. Pour l'événement, eh bien, il n'y a pas très longtemps, on a vu une série de 3 articles du journaliste André Ménard sur la difficulté des pilotes professionnels québécois à garder leur carrière à la hauteur de leur talent. C'était très informatif sur la situation, sur ce qui se passe présentement avec les Alexandre Tagliani, les Andrew Rangé, Michael Granier de ce monde. Si jamais vous voulez jeter un coup d'œil sur les 3 articles, eh bien, c'est très facile. Vous pouvez vous rendre au www.poleposition.ca et vous allez pouvoir justement lire les 3 articles qui ont été échelonnés sur 3 jours différents. C'est le chroniqueur André Ménard, comme je vous le disais. Alors, si jamais vous voulez chercher, c'est André qui a écrit le tout. Et Philippe Brasseur est avec moi, le président du magazine Pole Position. Il est au téléphone avec nous. Philippe, ça va bien? Oui, ça va très bien, Tania. Oui. Philippe, ça fait maintenant 25 ans que tu es à la tête du magazine. Dis-moi, comment est-ce que tout ça a commencé, cette idée-là? Oh, ça a commencé un petit peu, je dirais, de manière sur une opportunité, c'est-à-dire qu'il y avait un magazine qui existait dans les années 80 au Québec, qui s'appelait Formula, et qui a été acheté par un éditeur en Ontario, et ils ont décidé, eux autres, à ce moment-là, d'en faire uniquement une version en anglais. Donc, moi, je me suis dit, j'étais à l'école, j'étais pas très vieux, j'avais 18 ans, puis je me suis dit, mais il faut absolument qu'il y ait un magazine sur la course automobile en français au Québec, et voilà, c'est parti un petit peu comme ça. Alors, à cet âge-là, je dirais qu'on réfléchit pas, on fonce. Et puis, moi, c'était vraiment le but, c'était d'informer le monde sur la course automobile au Québec, les pilotes, les événements et tout ça. Et donc, c'est vraiment parti comme ça. Et c'est lors du Grand Prix de Trois-Rivières 1990 que j'ai présenté à la presse et puis au public le numéro zéro qu'on appelle, c'est-à-dire un numéro donc témoin qui va expliquer ce qui s'en vient. Et donc, c'était la création du magazine Pole Position. Et puis, dis-moi, le magazine Pole Position, ça regroupe quand même une très grosse équipe. Vous avez plusieurs chroniqueurs, plusieurs photographes. Comment est-ce que vous recrutez justement ces gens-là? Ben, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont joints à nous autres parce que c'était déjà du monde qui était impliqué dans le milieu, je veux dire comme ça, que ce soit par exemple des pilotes qui écrivent des chroniques ou des articles ou bien des photographes qui sont maintenant avec nous autres. Mais généralement, on recherche des gens qui ont quand même une bonne expérience déjà du milieu de la course automobile parce que c'est un milieu quand même assez, je dirais pas fermé, mais qu'il faut bien connaître quand même le milieu si on veut pouvoir bien l'expliquer. Et donc, c'est un petit peu ça, c'est qu'on s'assure que c'est des gens... J'ai tendance à dire que c'est plus facile de former quelqu'un à lui faire bien écrire par la suite, mais quelqu'un qui a déjà des bonnes bases de connaissances de la course automobile que le contraire. Un excellent journaliste qui connaît rien à la course automobile, ça fera pas des bons articles. Oui, oui, oui. Autres. Alors, c'est un petit peu ça. Et puis, voilà, on a pas nécessairement une très grosse équipe parce qu'on est un média indépendant. On n'appartient pas à un grand groupe de presse, mais on a une équipe de gens qui sont toutes, je pense, à la bonne place. En tout cas, les photographes, ils savent, ils sont sur beaucoup d'événements, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et donc, on essaye toujours de proposer aux gens quelque chose qui répond à ce que nous, on veut voir, c'est-à-dire la passion. C'est-à-dire qu'on veut transmettre cette passion-là de la course automobile au public. Et puis, pour les auditeurs qui connaissent un petit peu moins le magazine Pole Position, parce qu'évidemment, un petit peu tout le monde à Trois-Rivières nous écoute, est-ce que vous couvrez toutes les sortes de courses différentes au Québec, c'est-à-dire rallye, karting? C'est quoi la diversité de votre magazine? Ben, on se concentre, en fait, je dirais, sur quatre disciplines, c'est-à-dire le circuit routier, donc toutes les courses qu'on voit, notamment au Grand Prix de Trois-Rivières, les séries Stock Car et NASCAR. Donc, ça comprend autant les séries américaines de NASCAR que NASCAR Canadian Tire, la série canadienne, que les séries de Stock Car québécois, principalement les séries sur asphalte, parce que, bon, on ne peut pas tout couvrir non plus, donc à un moment donné, il faut faire des choix par rapport à l'espace qu'on a dans le magazine. Les gens ne réalisent pas toujours, mais imprimer un magazine, ça coûte quand même, c'est assez dispendieux. Donc, on est obligé, à un moment donné, de dire, ben voilà, on a un nombre de pages déterminé, donc il faut qu'on se limite à ça. Puis on a aussi évidemment le karting, on a aussi le rallye, on a intégré depuis quelques années maintenant le drift, donc avec les gros événements de Formula Drift qu'on va couvrir également dans Pole Position. Mais justement, tu parlais du coût d'imprimer un magazine papier, c'est une, comment je pourrais dire, une caractéristique pure à Pole Position. C'est un magazine papier malgré le fait que vous avez un site internet. Dis-moi, c'est quoi l'importance pour vous de garder ce magazine-là sur une formule mensuelle dans un format papier, justement? Bien, en fait, justement, il y a beaucoup de monde. C'est intéressant que tu parles de ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui dit, ben, avec Internet aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore place pour un magazine papier, justement? Moi, j'ai envie de dire qu'Internet, non seulement ça nous a pas nuit, mais pour moi, l'émergence d'Internet puis le fait de la facilité d'accès à de l'information très, très rapide sur Internet, donc information de course automobile, pour moi, je trouve que ça a été fantastique. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a 15 ans de ça, on était obligé d'utiliser des pleines pages dans la revue papier pour mettre des résultats de course et des choses comme ça. Alors qu'aujourd'hui, ben, les résultats de course, les gens, ils sont capables d'aller chercher sur Internet. Donc, ça a ouvert la place dans la revue papier à faire des articles plus d'entrevues de pilotes, de faire découvrir des séries que les gens connaissent moins, où il y a moins d'informations sur Internet. Parfois, quand, exemple, on présente des rallyes, ben, on va aller présenter, on va montrer la carte des parcours et tout ça. Ben, c'est beaucoup plus facile pour le monde qui veut se déplacer à un événement d'avoir dans les mains une revue papier pour dire est-ce que je vire à droite ou à gauche pour aller voir un parcours, par exemple. Donc, on a vraiment voulu que la revue papier devienne complémentaire, pas seulement à notre site Internet, pas seulement à poleposition.ca, mais aussi à tous les sites Internet de sport automobile, de course automobile que le monde peut aller découvrir au quotidien. Donc, pour nous, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est plus intéressant aujourd'hui, c'est plus valorisant même la revue papier telle qu'elle est aujourd'hui, parce que ça ouvre la porte à faire des sujets d'enquête, des sujets de fond, comme je disais, des chroniques de pilotes, des entrevues, des présentations d'épreuves, tout ça. Donc, d'être complémentaire à Internet. Et puis, justement, par rapport au site Internet, j'ai vu au courant des derniers événements, parce qu'on se côtoie quand même, tu le disais un petit peu plus tôt, le monde de la course automobile, c'est un monde tissé serré. J'ai cru voir un groupe de vos membres travailler sur des projets vidéo. Est-ce que c'est une tournure que vous allez prendre, ou bien c'est vraiment un contrat que vous avez eu pour Pole Position? En fait, c'est un petit peu les deux, c'est-à-dire que il est exact qu'on va répondre à des demandes un petit peu de certaines séries ou certains médias partenaires. Bon, c'est vrai qu'au Grand Prix de Trois-Rivières, par exemple, j'ai eu l'occasion de faire des entrevues de pilotes de rallycross, mais c'était, par exemple, le pilote suédois Mathias Ekström, parce que c'était dans le cadre d'une entrevue qu'on a diffusée par la suite dans une émission pour RDS, une émission du championnat de DTM que je co-anime. Donc, alors voilà, c'est un petit peu pour répondre à cette demande-là. On va le faire aussi, on l'a fait le week-end précédent, Grand Prix de Trois-Rivières avec la Coupe Nissan Micra, parce que c'est vrai que c'est une série de sport automobile qui a débuté cette année-ci, qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est des petits budgets, puis c'est des voitures toutes identiques, puis c'est justement la base un peu de la course automobile, que le monde peut venir s'amuser avec des voitures qui sont pas dispendieuses, pas puissantes, mais faut travailler fort pour bien faire. Alors je dirais que voilà, on répond pour l'instant un petit peu à des demandes de certains promoteurs ou de certaines émissions pour lesquelles on va fournir effectivement du vidéo, mais à la base, Pole Position, c'est vraiment surtout la revue papier pour l'instant et le média Internet. On a aussi quand même, les gens peuvent lire la revue en ligne également, bien entendu, mais on se limite à notre champ de compétences, je pense, qu'on maîtrise convenablement pour l'instant. Et puis, tout juste avant qu'on commence à se parler, je parlais des trois articles d'André Ménard sur la difficulté des pilotes à percer versus le manque d'argent. Et c'est pas le manque de talent, en effet, qui manque ici au Québec, mais j'aimerais savoir quelle est ton opinion personnelle sur le sujet. Qu'est-ce qui se passe avec ça, selon toi? Ben, en fait, la réalité, elle est là. La course automobile, elle a toujours été dispendieuse. Hein? Faut vivre avec ça. Ça a toujours existé. Dans les années 60, on n'était pas nés tous les deux. Mais non, c'est ça. C'est vrai que, il y avait des pilotes qui roulaient en Formule 1. On a tendance à les gens se souvenir de Jim Clark ou de Jackie Stewart ou des pilotes d'exception comme ça. Mais il y avait un paquet de pilotes qui roulaient en Formule 1, que c'était de l'argent familial parce qu'ils venaient de familles nobles d'Europe ou d'Amérique du Sud ou des pays comme ça. Bon, donc ça a toujours coûté cher, la course automobile. ce qui est arrivé ici, c'est qu'on a un petit peu eu l'impression que tout d'un coup, ça devenait accessible à des pilotes qui n'étaient pas fortunés, parce que il y a eu l'exemple de Gilles Villeneuve. Bon, mm-hmm. c'est vrai que c'est un pilote exceptionnel, avec des situations exceptionnelles qui sont arrivées, qui ont fait en sorte que c'est devenu une légende. Et bon, son talent était là aussi, bien entendu, pour confirmer tout ça. Après ça, eh bien, ce qui est arrivé, c'est les filières tabac. C'est-à-dire que les compagnies de cigarettes ont commencé à commanditer la course automobile. Quand elles n'ont pas pu continuer à le faire, parce que des lois leur ont empêché, certains ont dit « Ah, mais c'est pas grave, vous allez voir, les manufacturiers automobiles ou d'autres compagnies vont venir. » Mais elles ne sont pas venues. Elles sont venues au niveau international, au niveau mondial. Mm-hmm. Elles ne sont pas venues pour aider des pilotes québécois, puis même canadiens, à aller plus loin dans la course automobile. Et ça, ça a fait très mal à la course automobile, spécialement ici au Québec, parce que le problème qu'il y a, c'est que vous avez de grosses compagnies américaines qui vont engager des pilotes américains, puis les compagnies européennes, elles vont engager des pilotes européens. Fait qu'on se retrouvait un petit peu au Québec entre les deux, avec une grosse, grosse difficulté. C'est encore le cas aujourd'hui. On le voit avec des pilotes comme Andrew Ranger. C'est pas normal qu'ils soient en NASCAR Canadian Tire. C'est mm-hmm. évident qu'ils devraient être en Coupe Sprint aux États-Unis. Mais c'est ça la réalité. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, de voir qu'il y a un petit peu une émergence, comme on le voit avec Subaru en rallye, oui. comme on le voit avec Nissan en circuit routier, que les manufacturiers commencent à être un petit peu plus impliqués en course automobile, moi, je dis, c'est merveilleux, tant mieux, mais il faut que ça amène à de véritables filières, parce que c'est eux, pour l'instant, qui pourraient éventuellement avoir les moyens de remplacer les compagnies de tabac. Quand elles sont parties, il n'y a personne qui est venu les remplacer, et c'est là la difficulté, je pense, aujourd'hui, majeure pour les pilotes d'avoir un avenir au niveau international, en tout cas. Est-ce que ça fait en sorte que les pilotes québécois sont prédéterminés à, comment est-ce que je pourrais dire, à vivre malheureusement de leur talent? Est-ce que le fait de pouvoir voyager, ça rendrait les choses plus faciles selon toi? Bien, ce qu'il faut arriver à prendre, c'est des exemples un petit peu à l'image de ce que Kuno Whitmer a fait en mm-hmm. endurance. Kuno Whitmer, c'est un pilote montréalais. Il n'est peut-être pas connu très, très fort du grand public, mais c'est un pilote qui est présentement, l'année dernière, il a remporté le championnat GT Le Mans, qui est une des plus importantes catégories d'endurance en Amérique du Nord. Oui. C'est un pilote qui a disputé les 24 heures du Mans. Et comment il est arrivé? C'est pas avec des millions d'argent familial qu'il est arrivé là. C'est simplement qu'il a gagné tout ou à peu près au niveau national. Il a réussi à aller, il est allé sur les pistes de course, il est allé parler avec des responsables d'équipe pour dire, écoutez, à un moment donné, engagez-moi et tout ça. On l'a engagé sur une ou deux courses. Ça s'est très bien passé. Il a été capable, après ça, de se faire des contacts pour pouvoir se faire engager par un manufacturier automobile. À l'époque, c'était Dodge. Aujourd'hui, c'est avec Aston Martin en endurance aux États-Unis. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment persévérer. Moi, je dis que les pilotes, souvent, le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont une petite part de responsabilité. Puis je précise bien que c'est une petite part, parce qu'ils ne peuvent pas aller chercher de l'argent là où il n'y en a pas. Mais il y a quand même une petite part de leur responsabilité, c'est qu'aller sur les pistes de course, c'est ça, en fait, qu'il faut. C'est vraiment aller mm-hmm. prendre des contacts, aller parler avec des chefs d'équipe, proposer même de dire s'il y a même une place disponible pour faire la plus régionale des courses, c'est pas grave. L'important, c'est de pouvoir dire « je suis là, j'existe », puis éventuellement de se faire un nom comme ça. Et c'est l'exemple justement de Kuno Whitmer. Ça a été un peu le cas aussi avec Bruno Spengler en Europe maintenant aujourd'hui, qui est pilote BMW en DTM. Bon, c'est des pilotes qui étaient en karting, qui ont commencé à aller voir les responsables des manufacturiers pour essayer de se faire un nom. Donc, il faut vraiment que les pilotes ils soient très, très à l'affût, parce que l'opportunité, ça se crée aussi. Et puis, Philippe, pour terminer, dis-moi, à quoi est-ce que ressemble le futur du magazine Pole Position? Ah, ben ça fait 25 ans, puis moi, je dirais que pour l'instant, c'est vrai qu'on a tous les signes. Je pense qu'on a beaucoup d'abonnés, en tout cas. La vente en kiosque, c'est certain qu'elle était plus forte à l'époque où Jacques Villeneuve était champion du monde de Formule 1. C'est tout à fait normal. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les passionnés de course automobile, ils ont moins d'informations sur la course automobile dans les quotidiens et tout ça, parce que c'est moins, on va dire, à la mode aujourd'hui. Et donc, ça nous a amené une nouvelle clientèle de gens qui disaient, ben moi, la fin sur la course, c'est dans votre magazine que je vais la trouver, peut-être pas ailleurs, là. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, pour nous, c'est très positif pour l'instant. Ce que je vois surtout, c'est l'intérêt, c'est de travailler beaucoup avec les événements, que ce soit avec le Grand Prix de Trois-Rivières, le Grand Prix du Canada à Montréal, des événements de rallye aussi, parce que justement, je pense qu'il y a vraiment un lien à faire. On est un média, dans le fond, aujourd'hui, on est rendu le seul magazine de course automobile au Québec, la revue papier, en tout cas, il n'y en a plus d'autres. Donc, c'est vrai que pour nous, l'intérêt, c'est vraiment de dire qu'est-ce que le public veut voir comme information sur la course automobile et qu'on peut lui donner pour que ça soit complémentaire à ce qu'il trouve sur Internet. Alors, moi, je suis assez positif. Ce que je trouve très agréable aussi, c'est que dans notre équipe, on a de plus en plus de jeunes. Oui. Alors, ça me fait plaisir aussi. Eh bien, Philippe, à toute ton équipe et toi, on vous souhaite le plus beau des succès pour encore, disons, un autre 25 ans. Ben, merci beaucoup, Tania, puis longue vie à ton émission. Merci beaucoup. Merci, Philippe. Et comme le disait Philippe, en fait, il n'y a pas vraiment un problème du côté du talent des pilotes ici au Québec. C'est vraiment ce qu'on peut en faire ou jusqu'où on peut pousser le talent de nos pilotes québécois. Et j'ai l'impression que la série Nissan Micra va faire voir le Québec sous un autre angle parce que ça commence à parler un petit peu ailleurs. On sait, il y a deux Thaïlandais qui coursent dans cette série-là. J'ai bien hâte de voir où ça va amener le Québec, la série Nissan Micra. Il y a déjà beaucoup de pilotes qui y participent. J'ai de bons espoirs pour cette série-là. Et sans plus attendre, eh bien, on va aller écouter la chanson Hurricane de Elsie. Et au retour, eh bien, on va parler du championnat canadien de karting qui avait lieu cette fin de semaine du côté de la piste de Mosport. Le championnat canadien de karting. J'étais très contente d'être de retour sur une piste de karting parce que durant quelques événements, eh bien, j'ai pas pu être présente. Faute de travail oblige. Je suis reporter dans les puits pour la série NASCAR Canadian Tire. Alors, pour certains événements, j'ai pas pu être là du côté du karting, mais j'étais très contente lorsqu'on m'a appelée pour demander d'annoncer le championnat du côté de Mosport. Et je commencerai pas à énumérer tous les gagnants, toutes les catégories, parce qu'évidemment, il y avait quand même 8 catégories cette fin fin de semaine en Ontario. Par contre, j'aimerais simplement dire que j'étais très contente de voir le nombre de pilotes qu'il y avait en piste. Durant quelques événements, le karting au Québec comme en Ontario commençait, on pourrait le dire comme ça, à souffrir un petit peu du nombre de pilotes qui sont présents aux événements. Et les plus grosses classes de ce week-end, eh bien, c'était les Briggs & Stratton pour certains dans... avant, on appelait ça les quatre temps. Là, en fait, c'est ceux qui font beaucoup de bruit. Alors, j'étais très contente de voir que les plus grosses classes cette fin de semaine regroupaient jusqu'à 39 et 34 pilotes en piste. Ça a donné de très bons spectacles. Comme je le disais, les classes Briggs ont donné tout un spectacle. La classe DD2 aussi, seulement avec 11 pilotes en piste. Il y a eu de l'agressivité du côté des finales dès le premier tour. C'était des finales quand même de 18 tours. Alors, c'est quasiment des courses d'endurance qu'on a eu en fin de semaine. Par contre, ça s'est super, super bien passé. Les pilotes en DD2 ont démontré vraiment beaucoup de talent. Du côté de DD2 Masters, c'est des petits faits comme ça que je vous lance parce que je crois que c'est important que certaines personnes le sachent. En DD2 Masters, le pilote qui a gagné, maintenant champion encore une fois, parce que c'est pas sa première fois, Stuart Clark, a dit après la course, lorsque je l'ai interviewé, nous a dit qu'il a gagné son dernier championnat canadien. Il prend sa retraite des courses en tant que pilote. Il va maintenant se concentrer sur être mécanicien pour ses deux garçons qui ont commencé à faire de la course ces derniers mois. Son plus vieux était d'ailleurs concurrent, disons-le comme ça, du côté de Mosport cette fin de semaine. Et quand même, seulement à sa troisième épreuve, a très bien performé, terminé dans un top 10. Alors, je crois que la pomme n'est pas vraiment tombée très, très loin de l'arbre pour ce qui est du jeune Clark. En catégorie Minimax, wow! C'est tout ce que j'ai à dire pour la finale. Je crois qu'il y a un gros wow! On avait 14 pilotes en piste du côté de la série Minimax. Pour certains qui sont moins familiers avec le karting, c'est quand même des jeunes qui sont en 11 et 15 ans dans cette catégorie-là. Et c'est des jeunes qui sont tellement téméraires. Ils ont peur de rien. Ça a été toute une finale entre Patrick Wichita, qui a été finalement déclaré le champion canadien, et Xavier Harris. Tour après tour, coin après coin, on s'échangeait la première et la deuxième position. C'est eux qui ont donné une bonne partie du plus gros spectacle de la journée. Sérieusement, je lève mon chapeau à ces jeunes pilotes qui nous ont donné tout un spectacle. Du côté de la catégorie Shifter, eh bien oui, j'ai bien dit Shifter, c'était un retour pour eux au championnat canadien après quelques années. Il y avait 11 pilotes en piste, dont Michael Grenier, qu'on a vu dans certains journaux, certains sites Internet, lorsqu'il a décidé de revenir en karting après une courte période en Indy. Le pilote québécois Michael Marjaba, qui gagnait toutes les courses du côté du Québec, et Pierre-Luc Ouellet, est déjà deux fois champion du monde en karting, nouveau champion canadien en 2015. Il est au téléphone avec nous. Pierre-Luc, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Très bien, merci. Pierre-Luc, raconte-moi ton week-end du côté de l'Ontario pour le championnat canadien de karting. Ben, ça a été un week-end quand même assez mouvementé parce que c'était pas du tout dans ma cédule de mon été. Mm-hmm. Moi qui étais un petit peu en dehors des courses durant mon été, excepté peut-être mon apparition en NASCAR Canada dans la voiture 18 pour Alexandre Tagliani. Mais pour le karting, dans le fond, c'est une nouvelle classe quelque chose qui revenait. Puis mm-hmm. Je pense que c'est quelque chose qui est apprécié de beaucoup de pilotes. Mais comme on peut voir dans toutes les nouvelles séries, à un moment donné, les pilotes vont toujours où il y a de la compétition. Et puis, tout le monde allait dans les classes Rotax parce que, bon, tous les pilotes se regroupaient dans cette classe-là. Mais ils ont remis la classe 125 Shifter à l'action sans fin de semaine sur un nouveau programme qui est le moteur Rock. Puis eux autres, c'est un petit peu la même base que les moteurs Rotax. Ils donnent un voyage au championnat du monde en Italie cette année. Donc, okay. Moi, j'ai été approché par l'équipe PSL Karting, Dominique Labrec, dans le coin à Trois-Rivières, pour faire cette fin de semaine-là. Et puis, on s'est projeté, dans le fond, au championnat canadien, sans aucune pratique dans cette classe-là. J'ai fait peut-être une session, là, une demi-journée avant de me présenter. Ben oui. Puis, j'ai manqué la journée de mercredi à cause de l'ouvrage, donc c'était rien pour aider. Puis le jeudi mouillait. Donc, je suis comme arrivé le matin des courses, des qualifications. Donc, je suis parti peut-être avec une prise, Mais j'ai relevé le défi, puis il y avait quand même des pilotes assez expérimentés, des pilotes qui ont fait la saison quand même au complet, quand tu parlais de Marco Marjaba, puis Michael Grenier et Dominique Legrand. Dominique ouais. Legrand, exactement. Donc, c'était quelque chose qui était quand même assez agréable, et puis je me suis pas découragé, je suis qualifié sixième. Et puis, à travers toutes les manches, bien, à travers l'expérience que j'avais des grosses courses internationales que j'ai pu faire dans ma carrière, mais j'ai su que c'est pas avec les qualifications, dans le fond, qu'on allait gagner le championnat canadien. Fait que j'ai relevé mes manches, puis je suis allé tranquillement, c'est étape par étape, puis on est réussi à se qualifier, dans le fond, pour la finale en deuxième position. Donc, rendu là, je savais ce que j'avais en dessous de moi, puis avec la machine qu'on avait, on était confortable, puis c'était sur une longue course de 18 tours. Je savais ce qu'on était capable de faire et puis on l'a prouvé assez aisément. Bien, justement, tu l'as dit, tu as quand même passé quelques temps à l'extérieur d'un kart, quand même bien que ce soit pour ta présence en NASCAR Canadian Tire au début de la saison. Est-ce que tu es fatigué aujourd'hui? Non, pas vraiment. Je suis retourné au travail assez vite, mais c'est un monde auquel on s'habitue. Puis j'ai côtoyé durant un été complète là, par téléphone. J'ai regardé un petit peu ce que des pilotes comme Alexandre Tagliani sont capables de faire et puis d'autres. Donc, c'est dans un monde où tu n'arrêtes jamais. Donc, à un moment donné, c'est un beat de vie, puis on s'y adapte assez quand même bien. Puis c'est pas à cause que l'été est occupé, dans le fond, l'hiver, on fera d'autres choses. Mais c'est quelque chose que j'apprécie. Puis même quand on est loin des courses, indirectement, on est quasiment allié. Fait que c'est pas quelque chose qui. J'étais moins stressé de ce côté-là. OK. Mais d'un autre côté, quand tu rencontres des pilotes qui sont expérimentés, qui font ça toutes les fins de semaine, eh bien, c'est sûr et certain que des fois, ça peut être un petit peu plus difficile de s'adapter rapidement, mettons, soit aux conditions de la piste ou aux différences des moteurs mm-hmm. ou aux différences des pneus. Ça a été quelque chose qui n'a pas été facile. C'est pour ça qu'on s'est qualifié un petit peu plus loin que la normale. Mais j'ai dans le fond dans mon sac de mon bagage d'expérience pour remonter par après là. Ben oui, je crois que tu as quand même réussi à bien démontrer que tu avais toujours la twist comme on dit en bon ouais. québécois. Pierre-Luc, tu as quand même passé quelques années en tant que pilote pour CRJ. Tu parlais un petit peu plus tôt de l'équipe PSL Karting. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu ça consiste en quoi être pilote de karting pour une usine comme ça? Ben ça, c'est quelque chose qui part, je te dirais, assez graduellement. J'ai continué dans le monde du karting parce que grâce, dans le fond, à des écuries comme PSL et SRA Karting qui m'ont monté, dans le fond, eux autres à petit échelon à des scènes mondiales. Mm-hmm. Et puis, à partir de là, ben là, c'est des équipes, exemple, moi, dans les années plus vieilles, c'était la compagnie Arrow, compagnie australienne, oui. qui m'ont découvert au championnat du monde. Et puis, à partir de là, ben là, eux autres, ils commencent, ben, je me suis jamais fait payer, mais eux autres, dans le fond, ils commencent par avoir des pilotes qui vont s'occuper de toutes leurs dépenses, le matériel de course, t'héberger, tout, les billets d'avion. Et puis, c'est ce qui m'a permis, dans le fond, parce qu'on le sait, on en parlait, je vous écoutais plus tôt, le monde des courses aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile. Oui. Et puis, c'est pas parce que c'est en karting ou en auto, c'est quand même assez dispendieux, le sport. Puis, faut trouver une façon de pas survivre, mais continuer sa passion en étant assez intelligemment. Puis, dans le fond, les choses que ça contient, c'est que souvent, faut que comme avec CRJ, c'était un petit peu plus intense. Oui. Des fois, on allait tester carrément à côté de l'usine. Nous autres, on est en Italie. Oui. La plupart des châssis de karting sont faits en Italie. C'est comme le petit pays, la reine du karting. Là, ça vient toute d'Europe, mais oui, spécialement en Italie. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on se présente là-bas, puis là, il faut. C'est comme, dans le fond, refaire un puzzle de A à Z. Des fois, on va partir d'une direction qu'on va se mélanger, puis de l'autre côté, on peut partir d'une journée où ce qu'on s'améliore à toutes les fois, mais ça fait partie du métier. Puis d'un autre côté, mais ta question de performance. C'est sûr et certain qu'une usine comme ça, que ça soit CRJ, Birel, Tony Carr, toutes les marques qu'on connaît, s'attendent en revers de payer toutes vos dépenses puis de faire continuer un sport que t'aimes, mais il faut que tu sois performant. Exact. Et puis, performant exige, dans le fond, s'entraîner, pratiquer, faire attention à tout ça. Fait que c'est des exigences un petit peu que je pense qui sont assez standards, que ce soit dans le tennis ou dans le golf ou que ce soit dans le sport automobile. Je pense que tous les athlètes, il faut qu'ils soient dédiés à leur sport. Et puis chaque sport vont demander des caractéristiques différentes. Mais quand tu es passionné, écoute, je pourrais faire ça tous les jours de ma vie jusqu'à 60 ans. Puis je pense que c'est la même position pour plusieurs pilotes au Québec. C'est juste d'essayer de se trouver une niche, que ce soit en karting ou en sport automobile, d'essayer de faire le sport qu'on aime le plus longtemps possible. Bien, justement, tu dis que tu pourrais faire ça jusqu'à temps que tu aies 60 ans. Pierre-Luc, tu as maintenant une famille, tu es très engagé dans la business familiale que vous avez, mais est-ce que de te revoir dans une course cette fin de semaine, est-ce que ça pourrait t'amener en 2016 à revenir, que ce soit en karting ou dans une série comme, exemple, la NASCAR, parce qu'on t'a vu là cette saison? C'est sûr et certain que ce qui s'est passé au début de la saison avec Alexandre Telgani était comme quelque chose d'inespéré. On s'est comme rejoint parce qu'Alex, lui, dans le passé, même c'est lui que je me rappelle au tout début qui me donnait mes licences dans le temps qu'il y avait une vingtaine d'années. Player, c'est lui qui m'a donné ma licence de karting. Et puis on n'a jamais été vraiment loin l'un de l'autre. Puis il m'a tout le temps quand même aidé dans ma carrière. C'est son père qui m'a poussé à tous les niveaux dans chaque classe que j'ai été capable de monter. Mais point de vue au printemps, quand on s'est parlé, c'était quelque chose d'inespéré. Puis en étant dans le fond indirectement avec son père, c'est peut-être un peu comme ça qu'on s'est re-rencontrés. Mm-hmm. Et puis grâce à ça, donc c'est là que je l'ai comme un petit peu on s'est comme remis à se parler. Puis je pense que ça a comme un petit peu cliqué. Et le mot d'ordre présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille pas point de vue 2015, mais plus 2016, soit sous la bannière, dans le fond, Tagliani Autosport, qui peut-être va devenir un petit peu plus gros dans les années prochaines. Puis, c'est des voitures qui sont préparées par Scott Stickley, la voiture numéro 22 aussi. C'est quelque chose. On essaie de faire un programme quand même assez solide. On ne veut pas faire un fit pie, comme on pourrait dire en bon français. Donc, on essaie de prendre des bases solides pour faire des programmes, un peu comme le programme qu'Alex fait présentement avec EpiPen. C'est des choses qui sont quand même assez solides. Et puis, on essaierait de se trouver des idées, puis on veut pas y aller trop vite, puis vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué. Mais peut-être qu'on pourrait commencer avec une ou deux courses ou trois, puis on verra où ce que l'avenir va nous donner, mais c'est quelque chose qu'on essaie de travailler présentement. Eh bien, justement, tu dis, tu écoutais l'émission avant qu'on commence à se parler, toi et moi. Tu as dû nous entendre parler des trois articles, justement, qui ont été sur Pole Position sur la difficulté de percer pour nos pilotes québécois. Qu'est-ce que toi, tu en penses? T'es pilote, tu sais ce que c'est. C'est quoi ton opinion? Bien, c'est sûr et certain qu'on recule. Ça fait pas, dans le fond, le temps va extrêmement vite aujourd'hui. On recule de pas vraiment longtemps. On avait des banners, tu sais, comme Players, que vous avez sûrement parlé. Donc, c'est quelque chose, c'est un programme de développement qu'on avait ici au Canada, qu'on n'a plus présentement. Puis, en Europe, le sport automobile est un petit peu plus populaire et puis c'est peut-être un petit peu plus facile de se faire découvrir qu'au Canada ou aux États-Unis. Mm-hmm. Grâce à, mettons, je te donne des exemples, je sais que Lance Stroll est avec le programme Académie de Ferrari. Puis il y a beaucoup de pilotes indirectement qui peuvent se faire, dans le fond, recruter assez jeunes comme Lewis Hamilton. Mais c'est pas notre cas, je pense, en Amérique du Nord. Puis c'est quelque chose qui est quand même assez dur. Puis quand je regarde un petit peu le sport de plus proche, tu regardes des pilotes québécois, là, Louis-Philippe Dumoulin, Jean-François Dumoulin, Kevin Lacroix, Andrew Rangé, Alexandre Tagliani, c'est une job à temps plein. Puis si tu veux le faire, faut que tu le fasses à 100%. Mais même encore là, tu regardes des pilotes comme Jean-François Dumoulin qui essaie de percer dans cette série-là. Puis après ça, c'est bien beau trouver les commanditaires, ça prend les résultats. C'est des gars qui sont acharnés. Alexandre, je savais même pas la moitié de l'ouvrage qu'ils pouvaient faire dans une saison pour réussir à avoir un programme solide. Fait que c'est quelque chose qui est quand même assez difficile, je pense, mais faut pas lâcher parce qu'il y a du monde qui sont capables de le faire. Et puis je me rappelle comme si ça serait hier. Je me rappelle dans le journal, là, peut-être 15 ans, c'est Bertrand Godin qui avait écrit ça dans le journal de Montréal. Il avait écrit « Les barrières qu'on a dans la vie sont souvent ceux qu'on s'impose. » Donc, si, mettons, quelqu'un qui décide de dire « Moi, dans ma vie, je vais rester dans le karting, mais peut-être tu vas rester dans le karting. » Si tu dis, mettons, « Moi, je vais aller en NASCAR Canada. » Mais si tu shoots NASCAR Canada, peut-être que tu vas te rendre à faire une ou deux courses. T'sais, à un moment donné, c'est toi ton but, c'est où tu veux aller, puis c'est quoi l'effort que tu es prêt à mettre pour y aller. C'est sûr et certain que, je te dirais, si j'aurais un sport à recommencer à 8 ans, Tabarouette, c'est peut-être pas le sport que je prendrais pour une facilité, mais je changerais rien au monde qu'est-ce que j'ai été capable d'avoir dans ma vie. Fait que c'est un petit peu malheureux pour l'instant, mais je pense que NASCAR présentement, je regarde Olivier Bédard que j'ai côtoyé cette fin de semaine, que je pense qu'il est sur le bord où je pense qu'il a signé pour la course cette fin de semaine à Mosport. Ça serait le fun que on redirige un peu le chemin pour les jeunes. Mm-hmm. Je parle des jeunes parce que je suis quand même un petit peu plus vieux que les jeunes de karting. Tu sais, que le chemin soit pas nécessairement la monoplace. Je pense que si tout le monde se dirige dans une direction, exemple NASCAR, que ce soit NASCAR Canada, qui a une série, que ce soit Nissan Micra ou autre, qui fasse le tremplin pour les jeunes. Mais peut-être que si tout le bassin des jeunes s'en vont dans la même direction, ça serait plus facile pour les commanditaires de se réunir. Moi, je pense que le problème présentement, c'est qu'il y a trop de classes, trop de personnes. On est trop étiré à gauche et à droite, que ce soit en karting ou en auto. La meilleure preuve, ça a été l'IndyCar. Quand ils se sont séparés, ça a été un gros chaos. Donc, je pense que c'est pas... c'est une question... On était dans un creux de vague. Il est peut-être plus long que prévu, le creux de vague. Oui, peut-être. Je pense qu'il n'y a rien pour rien dans la vie. Puis, je pense pas que pour les jeunes, c'est plus dur présentement que ça l'était. Avant ça, le chemin était peut-être plus facile avec Players, mais il fallait te battre quand même pour avoir un volant. Donc, je pense qu'il y a une façon quand même d'y aller aujourd'hui. On regarde... il était cette fin de semaine ici, Robert Wicken, lui qui a été à travers le programme Red Bull, qui présentement il court en DTM avec Mercedes. Il n'est pas été dans le fond repêché à cause que ses parents étaient fortunés. Donc tout est faisable, ça dépend encore de qu'est-ce que les jeunes sont capables d'investir en temps, puis d'être dévoué, puis de ne pas pitcher la couverte trop rapidement. Ah, tout à fait, parce que quand même, vous restez des athlètes, peut-être un meilleur encadrement, justement, comme tu le dis, quant au choix que vous avez par la suite. On le discute depuis quelques temps maintenant, le karting devient quasiment une série en tant que telle, tu sais, ça devient quasiment une business en elle-même. Alors peut-être l'encadrement, justement, démontrer aux pilotes qu'il n'y a pas juste la monoplace par la suite. Pierre-Luc, merci beaucoup d'avoir discuté de karting et de course automobile avec nous. Je suis très contente de t'avoir revu à bord d'un kart cette fin de semaine et de t'avoir vu remporter le championnat canadien. Bien, je te remercie beaucoup. Merci, bonne fin de journée, Pierre-Luc. Merci, vous aussi. Et pour nous, eh bien... Je regarde l'heure, il est présentement 16h48. On va faire une courte pause musicale parce que par la suite, j'ai une surprise pour vous. Je me disais que de discuter de nouvelles voitures, achat de nouvelles voitures, quoi vérifier, ça serait intéressant, mais je crois que vous allez être contents au retour de la pause musicale de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Alors, je fais ça très rapidement et quand on revient, je vous dis c'est quoi la surprise. Oh, était le DJ Tiesto avec la pièce Wasted et Matthew Coma avec lui. Et je vous le disais avant d'aller en musique, justement, je me disais que de vous faire une surprise, au lieu de parler de nouvel achat de voiture, ça allait être bien plus fun. Alors, j'ai décidé de parler pour la fin de l'émission avec Andrew Ranger. Ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas entretenu avec lui au téléphone. Andrew, ça va bien? Ben oui, très bien, toi-même, Tania. Oui, merci. Andrew, le championnat canadien NASCAR tire à sa fin. Tu es très bien classé au championnat présentement. Cette fin de semaine, c'est du côté de Mosport. Dis-moi comment ça se passe jusqu'à présent. Ben écoute, je pense que pour nous, ça va super bien. On a quand même là, beaucoup de podiums dans les 6 dernières épreuves de la série. On a toujours embarqué sur le podium et puis l'équipe Mosport travaille énormément fort. En fin de semaine, on s'en va sur le côté de Mosport, un circuit que je connais bien. J'ai quand même eu des beaux succès là. Mm-hmm. On se rappelle qu'en début de saison, ça avait brassé avec Scott Stickley. Mais écoute, on est rendu à seulement 12 points de lui. Alors pour nous, en fin de semaine, ça va être une grosse course. Bien justement, il est le meneur au championnat. T'es pas très loin derrière. Est-ce que cette fin de semaine, on y va vraiment stratégique côté points ou tu y vas le tout pour terminer en avant? Ben écoute, faut penser un peu des deux. Hein? Mm-hmm. Faut pas se le cacher. On veut remporter la victoire, on veut tout donner, mais en même temps, faut penser stratégique. C'est la même chose pour lui, j'imagine aussi. On est vraiment les deux premiers qui peuvent gagner le championnat. Alors pour nous, là, c'est vraiment une grosse fin de semaine. Mais je crois que l'équipe Mosport là donne leur 110%, fait qu'on devrait être prêt pour en fin de semaine. Après ça, il va rester seulement une épreuve. On sait la série NASCAR Canadian Tire ne va pas renouveler avec Canadian Tire pour la saison 2016. Par contre, toi, quels sont tes plans à toi pour 2016? On reste en NASCAR. Qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, pour nous, on est dans la fin de contrat avec Chrysler Canada. Mm-hmm. Je pense que ça regarde bien pour la série avoir un nouveau commanditaire pour le futur. Pour nous, je pense que, ben pour moi, Andrew Ranger, je pense que on devrait être capable d'aller chercher un autre contrat avec Chrysler. On a quand même bien fait dans les deux dernières années. On a fait des beaux podiums, on a eu des belles victoires ensemble. Et puis cette année, là, on vise vraiment le championnat. Fait que pour nous, là, c'est vraiment une grosse fin de saison pour l'an prochain. Mais je pense que tout devrait être correct pour l'été prochain. Eh bien, Andrew, je te souhaite la meilleure des chances pour cette fin de semaine. On va se croiser là-bas, ça, c'est certain. Et puis, comme tu le dis, c'est un circuit que tu connais bien. Alors, la meilleure des chances à toi. Bien, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, je vous le disais, je voulais vous faire une surprise. On a demandé à Andrew Ranger qu'est-ce qui s'en vient. Le championnat tire à sa fin. Il est Québécois, Scott Stickley, présentement l'Ontarien et meneur au championnat. Alors, on va mettre toutes les chances de notre côté pour le Québécois Andrew Ranger. Et pour ce qui est de ce qui se passe en fin de semaine, eh bien, comme je viens de le dire, la série NASCAR Canadian Tire va être à Mosport samedi et dimanche. Du côté de la Xfinity, eh bien, c'est le Road America 180 présenté par Johnsonville le 29 à 3h sur NBC. Alors, si jamais vous voulez rien manquer de cela, c'est sur les ondes d'NBC dès 3h. Il n'y a pas de sprint cette fin de semaine, alors c'est ça qui est ça. Hein? Tout le monde va rouler en Xfinity. Pas de Formule 1 non plus cette fin de semaine. Ils vont être de retour pour le Grand Prix d'Italie dans quasiment deux semaines, donc le prochain week-end. Et je prépare une émission spéciale pour vous. Très bientôt, je vais vous donner beaucoup de détails par rapport à ça, mais déjà, je peux vous dire, il va y avoir plusieurs voix féminines dans vos oreilles. Je crois que je peux peut-être même m'avancer avec quelques in. J'ai une idée folle de faire une émission course automobile au féminin, image des pilotes. On en discutait lors de ma dernière émission, à savoir quelle est l'importance que les pilotes ont de projeter leur image sur les médias sociaux et tout ça. Alors, je suis en train de recueillir quelques personnes qui pourraient être autour de la table avec moi, discuter justement de tout ça, discuter du volet féminin. On se rappelle la première émission que j'avais fait ici à C'est fou 89 FM pour l'émission En piste avec Tania Baudin. Eh bien, j'avais discuté du nombre de filles qu'il y a dans le dans la sphère du monde de la course automobile. Et justement, je me suis dit que ça serait le fun d'en faire une émission spéciale pour vous, d'en discuter avec des femmes qui sont dans le domaine, d'avoir leur opinion, d'avoir justement leur vision des choses, que ce soit en karting, que ce soit en course au Québec, que ce soit du côté de, justement, de l'Ontario ou encore un peu plus haut en formule. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour tout ça. Et c'est déjà tout. En fait, j'ai une petite phrase pour vous. D'ici là, soyez prudents sur les routes. Rappelez-vous que pour être fou, il existe des pistes de course. C'est possible d'aller faire les fous sur une piste de course. Restez prudents sur les routes. Et nous, on se dit à lundi prochain. Fou de trouvaille. 89.1. Vendredi le 28 août prochain, notre café-bar de Zénob a le plaisir de vous présenter le spectacle du collectif de Québec, Beat Sexu. En première partie, Anatole. Pour une soirée funky, à la fois pop, disco et sexy, soyez au Zénob pour Beat Sexu ce vendredi 28 août, 21h30. Le Zénob, 171 Bonaventure, Trois-Rivières. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Génial Liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion, maintenant en format plus léger pour l'été, tous les jeudis de 10h à 11h. Fou de spectacle. C'est fou, 89.1.